fois de plus accoudés au comptoir. On se paye un verre, on se raconte des histoires, les anecdotes, les malheurs de la journée. Il vaut mieux en rire aux larmes que d'en pleurer. Une fois le verre vidé, nous pourrions nous en aller, mais quelqu'un paye encore la dernière tournée. La quintine fait des ravages, tout le monde le sait, mais ça n'empêche pas certains d'en abuser. Ça se voit si au bar ça a du goût, au risque de plus savoir tenir debout. Une fois le verre vidé, nous pourrions nous en aller, mais arrive une fois de plus la dernière tournée. Une guitare est dans un coin, elle attend un musicien qui saura la faire vibrer avec ses mains. On peut jouer n'importe quoi, ce musicien c'est peut-être toi qui saura la faire chanter avec tes doigts. N'hésite pas, na na na na na na na na, n'hésite pas, na na na na na na na na na na na. Tu es fatigué, va te coucher. Tu peux t'endormir tranquille, on va fermer. On éteindra les lumières, on essuiera un peu le comptoir. Nous reviendrons à la taverne demain soir.